Chapitre 8e. Tribulation de M. Berthamont. Le bruit arrive aux oreilles d'un grand roi. Désespoir amoureux. Les infortunes de notre héros et les airs languissants de Madame la Conseillère étaient assez connus dans la bourgeoisie. Tout le monde s'intéressait à ces jeunes gens qui s'en allaient mourant d'amour l'un pour l'autre. Après la fuite de sa femme, notre mari courut dans la ville comme un insensé, demandant justice à ceux qu'il rencontrait et poussant les hauts cris. M. Patru fut le premier qu'il trouva sur son chemin. « Ne vous affligez pas trop pour une simple paire de cornes, » lui dit l'avocat. « Ce n'est point un sujet à se tourner le sang. Je connais des époux qui en portent de plus longs que les vôtres et qui n'en vivent que mieux. Si vous faites du bruit, on saura votre accident et on en rira. »« Je me moque des rires, » s'écrit Berthamont. « Il me faut justice et qu'on me pende, mon ravisseur. » Où je crierai par-dessus les toits. » La seconde personne que le conseiller rencontra était une bonne dame qui lisait fort son Scudéry et qui avait du roman. « Ces pauvres enfants, » dit-elle en écoutant les discours du mari, « les voilà donc unis, après bien des douleurs. Laissez-les en paix, monsieur, et ne leur allez point faire de mal. » Berthamont, furieux de ne pas trouver dans les autres plus de sympathie pour ses infortunes, marcha tout droit chez son beau-père. « Vous m'avez donné une belle pécore de femme, » lui dit-il. « Ne s'était pas enfui de chez moi ce matin ?»« Enfui, » répondit M. Quatre-Sous. « La chose est grave. Il faut que vous l'ayez maltraitée. »« Point !»« C'est pour aller avec son chevalier Plénoche. »« On l'aura enlevée malgré elle. »« Je vous dis qu'elle est partie avec le pandard volontairement sous mes yeux. »« C'est impossible. Vous l'auriez retenu. »« Oui, si trois vauriens de gentilshommes ne m'eussent arrêté. »« C'est donc contre son gré qu'elle est partie ?» « Volontairement, vous dis-je, en plein jour, à midi, en carrosse de louage, à ma barbe, au vu de mes gens et de tout le quartier. »« Un enlèvement ne se fait jamais ainsi, monsieur Berthamont. C'est la première fois, j'en demeure d'accord. Mais enfin, cela est comme je vous le dis. Votre histoire n'a pas d'apparence, mon gendre, je ne saurais y croire. Que la fièvre vous étrangle !»« Je m'amuserai donc à inventer que je suis trompé, joué sous la jambe et traité comme Georges Dandin ?» Si vous ne me croyez point, venez à mon logis et trouvez-y votre fille, je vous en défie. Elle doit y être, mon gendre. Elle n'en serait point partie sans me demander avis. Par le diable, ceci passe les mesures, vous êtes un vieux fou. Oh là, n'est-ce pas vous plutôt qui avez la tête dérangée? Allez, vous êtes un sot. Vous ne méritiez point d'épouser une femme comme la vôtre, et si elle vient à vous tromper, ce sera bien fait. Ah, que ne puis-je vous la rendre, la vilaine? Oui, da, et la dot avec, je pense. À ces mots, Berthamont reprit le sens et devint plus tranquille. L'idée des 100 000 livres qu'il avait reçues lui donna au moins du souriant à l'imagination au milieu de cette traverse. Une femme coûte de l'argent par les nippes qu'il lui faut donner et le train de maison dont elle a besoin. Notre avare se sentit un peu remis de son trouble en songeant que l'économie venait en balance avec son veuvage. Cependant, son humeur étant colérique, il souhaitait fort la vengeance et se penchant combattit en son âme avec l'avarice. M. Quatre-Sous finit par comprendre que sa fille avait bel et bien abandonné Berthamont. Son orgueil de gentilhomme bourgeois jeta feu et flamme. Il assembla ses parents et ses amis du Parlement et de la Cour des comptes. Il leur exposa le dommage fait à son nom et que l'insulte devait rejaillir sur le corps de la magistrature. De son côté, Berthamont poussait tant de clameurs qu'on l'écoutait par force. Ces deux passions s'entraient dans l'une l'autre, toutes les robes de Paris commencèrent à s'émouvoir. Une réunion de mines austères eut lieu chez le président Lenoir de la Cour des Aides. On y résolut qu'il y aurait une plainte et un procès instruit et qu'on irait jusqu'au pied du trône s'il le fallait pour obtenir que le ravisseur fût mis aux mains de la justice. Tandis que l'orage s'amassait ainsi, M. de Longueville, en voyant arriver chez lui nos amants tout palpitants de joie et de crainte, tomba dans un véritable embarras. Ce prince, qui d'ailleurs aimait Plénoche, avait ri des amours du chevalier à cause du plaisir qui prenait sa fille. Mais il était loin de croire que notre héros fût capable d'enlever une femme par violence et de l'amener à Coulommiers. Il trouva la chose étrange et Plénoche indiscret. « Comment, disait-il à la princesse, ce garçon a-t-il pu faire une pareille folie? Il me met dans une alternative fâcheuse, ou de le livrer à ses juges ou de me compromettre pour le sauver. » Peut-être le chevalier eut-il perdu cette puissante protection sans Mademoiselle de Longueville, qui mit tout en œuvre pour remonter son Altesse. Il fut décidé que Plénoche se cacherait dans une maisonnette en attendant qu'on essayât d'apaiser ses ennemis. mais le prince déclara que si M. Vertamon redemandait sa femme, il fallait qu'on la lui rendît. « Du moins, disait la princesse, nos amants auront quelques semaines à vivre ensemble le plus doucement du monde. » On reçut bientôt l'avis à Coulommiers du grand bruit que menaient les quatre sous à Paris. La saison tournait au froid et les feuilles commençaient à tomber des arbres lorsque le duc revint à la cour en laissant Plénoche dans sa retraite. Le roi était alors à Saint-Germain et au plus avant de sa liaison avec Mademoiselle de La Vallière. Selon la mode des personnes qui logent l'amour en leur cœur, le jeune monarque avait de l'indulgence pour les faiblesses pareilles à la sienne, mais la reine-mère et sa bru, qui étaient dévotes et qui murmuraient sur les dérangements de sa majesté, formaient un parti dans lequel étaient les vieux conseillers, les prélats et les gens de l'ancienne cour. Louis XIV ne voyait sa favorite que chez elle, dans le secret, en compagnie de quelques amis intimes et des beaux esprits. Mais comme les rois ont le malheur de ne pouvoir cacher rien de leurs actions, tout le monde savait bien qu'il y avait une passion sous ce jeu. La cabale des deux reines prenait des airs plus affligés à mesure que l'amour du roi s'en allait croissant. Ce moyen était maladroit pour détourner ce prince de la favorite, car Louis XIV craignait l'ennui et ne pouvait souffrir les mines maussades. Un beau jour, qu'on reçut à Saint-Germain des gens de robe, l'affaire de Plénoche y fut contée. M. de Longueville, en arrivant au petit jeu de la reine, reçut ce mauvais compliment. « Il paraît, mon cousin, que votre château de Coulommiers est devenu maison de femmes débauchées. »« Comment l'entend votre majesté ?» demanda le duc. « On m'a dit qu'un de vos gentilshommes s'y est réfugié avec une personne qui l'a enlevé. »« Je ferai compliment au roi du bel exemple que donne la noblesse française. » En Espagne, le coupable d'un tel crime eût été déjà mis en jugement, et les grands ne lui eussent point donné asile. « Ici, madame, répondit le duc en rougissant, on secourt les malheureux, et on a pitié des imprudents. On ne livre point à la justice un pauvre diable que la passion a égaré. C'est le métier des recors et de la police d'arrêter les coupables. Le nôtre est de ne refuser à personne assistance et hospitalité. Reste à connaître lequel vaut mieux d'un Espagnol ou d'un Français. » Les imprudents et les coupables ne le seraient point si les princes ne les encourageaient à le devenir. Mais je sais, mon cousin, que vous êtes le champion des ravisseurs de femmes. » En effet, M. de Longueville avait déjà eu dans sa maison un homme accusé de rapt. La rencontre était malheureuse, et quand le duc rentra chez lui, mademoiselle sa fille le vit fort troublé par l'apostrophe de la reine. D'un autre côté, le roi fut informé du scandale qui se menait parmi les gens de robe, et de l'agitation où ils étaient. Louis XIV, au milieu de ses faiblesses, avait en vénération la justice et les bonnes mœurs. Il fut affligé du bruit causé par cette histoire, car il eût désiré que la cour fût plus sage que lui-même. Heureusement, il apprit la chose dans les conversations avec ses amis et de la bouche de M. de Lauzun, qu'il aimait fort alors. Le favori conta plaisamment comment Plénoche avait exécuté le coup. Il peignit Vertamon avec les couleurs du ridicule qu'il maniait admirablement. Sa majesté ne put se défendre de rire dans le particulier. Mais c'eût été différent en public, si M. de Longueville n'eût eu le bon esprit d'arriver le premier au lever du lendemain. Le duc se vit accueilli avec froideur. M. de Lauzun, qui était présent, lui vint présenter ses respects, comme s'il n'eût pas été menacé d'une querelle, et lui dit à l'oreille de tâcher à tourner la conversation au badinage. Le roi était embarrassé, parce que M. de Longueville, ayant rang de prince du sang par alliance, et M. étant alors à Saint-Cloud, c'était à lui de présenter la chemise. « On a mauvaise grâce à gronder une personne qui vous rend ses services d'aussi près. » Sa majesté voulut attendre pour entrer en colère, qu'elle fût habillée entièrement. Il ne restait plus à mettre que l'épée. Le gentilhomme de la chambre l'allait offrir, quand M. de Lauzun, poussant le duc par le coude, lui fit signe d'en regarder le nœud. M. de Longueville reconnut sur ce nœud un bouquet d'émeraudes que la maîtresse du roi avait porté la veille. « Voilà, » dit-il en saisissant la propos, « un nœud d'épée d'un goût incomparable. Ce n'est point, je gage, un marchand qui a fait cela, mais quelque fée avec des doigts mignons. « Moi, je gage que vous vous trompez, » dit Lauzun en souriant avec sa majesté d'un air fin. « Il n'y a au contraire qu'un marchand habitué au métier qui puisse atteindre la perfection. Je tiens la gageure. De combien la voulez-vous faire ? 200 louis. J'y consens. Si toutefois sa majesté permette qu'on lui adresse une question, je le permets, dit le roi. Vous avez perdu Lauzun. Ce nœud n'est pas l'ouvrage d'un marchand. » Lauzun se mit à rire, un homme qui savait d'avance comment finirait la gageure et qu'il n'y pouvait que gagner. « Vous croyez peut-être, reprit le roi, que vous me divertissez avec vos rires. Sachez au contraire que vous êtes un fâcheux dans cet instant, car j'avais envie de quereller M. de Longueville. » « Ce sont des baladins, répondit Lauzun hardiment, ceux qui rient quand ils n'en ont point envie. Pour moi, cela ne m'arrive jamais. » « Mon cousin, ajouta le roi, vous avez une méchante affaire sur les bras. »« C'est vrai, sire, répondit le duc. Je donne asile à un pauvre et bon gentilhomme qui a commis une faute par excès d'amour. » « Ôter une femme à son mari et à sa famille, c'est un crime à punir sévèrement. Il faut que justice se fasse. Si votre majesté connaissait ce roman aussi bien que moi, elle serait peut-être disposée à l'indulgence. Les deux amants sont pleins d'aimables qualités. Ce n'est pas une raison pour donner de mauvais exemples. Quoi, monsieur, lorsque les rois en sont réduits à prendre mille précautions pour cacher une intrigue amoureuse, de petits gentilshommes s'en iraient braver les lois, le front haut ? Les rois sont heureux dans leurs amours, sire, tandis que le pauvre gentilhomme allait mourir de douleur s'il n'eût cédé à sa folie. Votre histoire a donc bien de l'extraordinaire. Monsieur de Longueville, voyant la curiosité du roi, lui raconta brièvement les traverses de Plénoche, la morgue de Monsieur Quatre Sous, la cupidité de Vertamont et les supercheries qui avaient amené le mariage. Sa majesté prit goût au récit et demanda plus de détails. Finalement, sa colère tomba, et au lieu de vouloir la punition de Plénoche, le roi témoigna le désir que les choses fussent accommodées à l'amiable. « Il faut avouer, dit-il, que la promesse de mariage et les dommages intérêts accordés à ce jeune homme établissent l'ancienneté de sa passion et l'imprudence des parents. Cependant, comme les droits d'un mari sont sacrés, je veux qu'on arrange ainsi l'affaire. Ce Vertamont reprendra sa femme et renoncera au procès, pourvu que le jeune homme lui rende les 4000 livres données par les arbitres. J'en ferai parler aux 4 sous par monsieur le premier président. » Lorsqu'il porta cette heureuse nouvelle à sa fille, monsieur de Longueville fut étonné de voir qu'elle n'en avait pas une grande joie. « Songez donc, lui disait-il, que Plénoche échappe ainsi à une ruine complète, sinon à la mort. « Vous avez raison, répondait-elle, mais une nouvelle séparation nous fera tous mourir de chagrin. Ce que je vois de bon à cet accommodement, c'est que nos amants ont encore du répit pour vivre ensemble le plus doucement du monde. » La lenteur des affaires, si déplorable communément, procurèrent cette fois Plénoche les plus beaux moments de sa vie. Les intérêts de notre héros furent défendus avec chaleur par M. de Longueville, qui était ferme de caractère, et qui regardait comme une lâcheté d'abandonner un ami dans l'infortune. Ce prince n'avait de faiblesse que pour sa fille, et c'était elle qui l'engageait, sous main, à élever des chicanes, afin de prolonger le séjour de son favori à Coulommiers. 2 mois s'écoulèrent en visites et en discours, pendant lesquels, comme le disait cette charmante princesse, nos amants vécurent le plus doucement du monde. Mais toute chose ayant une fin, l'accommodement s'acheva selon les désirs du roi. Plénoche, retiré avec sa maîtresse dans une maisonnette, avait le bon esprit de goûter les délices de chaque jour comme si son bonheur eût dû être éternel. Quand des amoureux reçoivent de ces grandes faveurs du ciel, ils l'en remercient volontiers, en s'imaginant que désormais la céleste protection les tient à l'abri de toute peine. Cette confiance démontre assez que les heureux ont l'âme bonne, et les dieux sont bien cruels de n'en point tenir plus de compte qu'ils ne le font. Un soir, nos amants étaient assis auprès d'une fenêtre. Mademoiselle Quatre Sous regardait le soleil d'automne qui s'en allait, expirant dans le fond des bois, et Plénoche, la tête posée sur le giron de sa maîtresse, pensait par lui qu'il n'était rien d'aussi beau que les yeux où ils se miraient dans cet instant. Ils tressaillirent tous deux à la fois lorsqu'ils entendirent un grand bruit de chevaux qui galopait sur les feuilles et troublait le silence de la forêt. Un carrosse, bien escorté, s'arrêta devant la maisonnette. « Nous sommes perdus, » s'écria Madame Vertamont. « Voici qu'on vient me chercher. »« Ne dites point cela, » répondit Plénoche. « Il faudra qu'on me tue avant que je vous laisse aller. » Le chevalier courut à ses armes. « Je savais bien, » dit M. de Longueville en entrant, « que je faisais prudemment de venir ici en personne. Laissez vos pistolets, mon pauvre Plénoche. Ma parole est donnée que je ramènerai Madame à Paris. Vous ne voudrez pas, après ce que j'ai fait, me mettre en mauvaise position. Tenez-vous pour heureux de n'avoir point payé plus chèrement votre algarade. » Plénoche laissa choir ses armes, et l'excès de la douleur lui ôtant la parole, il tendit ses bras à sa maîtresse, où Madame Vertamont se jeta tout en pleurs. Hélas, monsieur le duc, dit la jeune dame, vous n'avez point songé à une chose qui rendra les arrangements superflus. Quelle chose ? Demanda le prince. C'est que je n'ai pas 6 mois à vivre, une fois que je serai rentré chez mon mari. On ne meurt point ainsi, madame. Reprenez courage et mettons-nous en chemin. Nos amants s'embrassèrent encore et montèrent dans le carrosse de son Altesse. Le prince était si touché de leur chagrin qu'il leur eût de grand cœur donné la volée comme à des oiseaux s'il n'eût été lié d'honneur. Plénoche, étourdi par ce coup du sort, comme s'il ne l'eût point prévu, ne sentit tout son mal qu'en voyant les murs de la ville. Une fois persuadé qu'il n'était plus en son pouvoir aucun moyen de résister à son malheur, il fit ce qui arrive souvent au tempérament mélancolique, il baissa la tête et demeura écrasé par son désespoir.